conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'invisible a-t-il fait des progrès ? Il y a 30 ans, trois augustes messieurs, deux astrophysiciens confirmés et un scénariste polyvalent, se mirent à discuter périodiquement de l'univers et du reste, des étoiles et du vide, des galaxies et des particules, de ce que l'on voit et de ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on sait et de ce que l'on subodore. Cela donna Conversation sur l'invisible, un livre à trois voix ou à six mains, c'est comme on voudra, qui fut fort lu et abondamment commenté. Récemment, liés par la même amitié, ils ont repris leur discussion. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, elles ont engendré un autre livre, intitulé « Du nouveau dans l'invisible ». Pourquoi un tel titre ? Durant ces trois dernières décennies, l'invisible aurait-il gagné du terrain ? Aurait-il fait de visibles progrès, notamment avec la détection des exoplanètes, des ondes gravitationnelles du boson de Higgs ? C'est ce que nous allons discuter avec Jean Oudouze et Michel Cassé, les deux astrophysiciens de la bande, le troisième personnage, l'écrivain Jean-Claude Carrière, n'ayant pu se joindre à nous, comme quoi il peut y avoir du 2 sans du 3. Bonjour Jean Oudouze. Bonjour Étienne Klein. Bonjour Michel Cassé. Bonjour. Est-ce qu'il est besoin de vous présenter ? Vous êtes tous les deux astrophysiciens, directeurs de recherche, l'un au CNRS, Jean Oudouze, l'autre au CEA, Michel Cassé. Et vous commencez votre livre, donc écrit à trois, en mettant en exergue une phrase de Victor Hugo, « L'unique but de la science, c'est d'être immensément joyeux ». Ça, je suis bien d'accord. Ça a marché ou pas ? Oui, je crois que... Pour oui. Les deux ? Oui, on a passé un temps très agréable à discuter avec Jean-Claude et avec Michel. Et par moments, on n'était pas toujours d'accord. Peut-être que ça transparaîtra dans cette conversation, mais on était souvent d'accord, quelquefois pas d'accord. Alors, mais est-ce que la pratique de la science, c'est un peu cela que Victor Hugo sous-entend, est-ce que la pratique même de la science rend heureux ou joyeux ? Pour moi, oui, indéniablement. De comprendre, pas forcément trouver quelque chose de nouveau, ça c'est autre chose, mais comprendre un petit quelque chose de plus, en ce qui me concerne, oui, ça me rend joyeux. Ça va au-delà des simples joies intellectuelles ? C'est une joie intellectuelle. Je ne sais pas distinguer une joie intellectuelle d'une joie tout court. La joie que procure le fait de comprendre un théorème en mathématiques, par exemple, n'est pas exactement la même que celle de découvrir une nouvelle particule, par exemple, qu'on avait pourtant prédite. On rencontre le réel dans un cas, la vérité dans l'autre. Oui, mais moi, je fais pas trop cette distinction. Mais ça, c'est une question de goût. Michel Cassé ? Je dirais que notre joie fut céleste, et que la science, c'est la dernière aventure du siècle. En d'autres termes, pour ceux qui ont l'esprit peut-être plus que curieux, je dirais qu'ils sont malades dans la mesure où ils cherchent, la recherche est une pure maladie mentale. Ceux qui sont animés par cet esprit de recherche ne peuvent que se réjouir du fait que... les mystères abondent, toute clarté se paye d'un mystère, en fait. Alors, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, ce n'est pas une maladie mentale, c'est le propre de l'humanité, je pense. C'est ce qui nous distingue. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous distingue des animaux, finalement. Sauf peut-être une chose, c'est le goût d'explorer, d'essayer de... Oui, l'exploration, la compréhension, l'observation. Et je pense que la recherche, c'est un petit peu... ça procède de la même du même état d'esprit. Mais vous avez en face de vous le chercheur canonique. je sens qu'il y a de l'ironie dans cette façon non, de présenter vraiment, Jean Oudouze. Parce que je respecte beaucoup cette vision de la recherche. D'ailleurs, j'ai été payé pour imaginer, ce qui est un privilège rare, par le CEA que je salue. Alors, je vais en revenir à votre livre, parce qu'il y a 30 ans, donc, vous avez discuté avec Jean-Claude Carrière et vous avez recommencé ces derniers mois. Vous l'avez formé à la physique quantique. Si on veut, ou peut-être un peu déformé. En tout cas, il revendique de comprendre la physique quantique mieux que lui-même, dit-il. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous marque dans les événements qui se sont produits depuis 30 ans? Qu'est-ce qui est le plus important? Pour moi, je crois que les ondes gravitationnelles, c'est la découverte des ondes gravitationnelles, c'est peut-être important parce que ça ouvre une nouvelle fenêtre dans l'observation. Je veux dire, c'est pour ça que c'est pas le fait lui-même. Bon, bref, on a découvert plein de choses. Je veux dire, vous avez parlé tout à l'heure des exoplanètes ou d'autres phénomènes, mais le fait que on a, disons, lorsque Galilée a eu sa lunette, on a pu mieux observer le rayonnement optique. Ensuite, il y a eu les radiotélescopes. Et puis maintenant, il y a une autre fenêtre pour observer l'univers. Mmh. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est ça qui est, selon moi, assez fondamental. Mais j'ai regardé votre livre, le premier, celui d'il y a 30 ans, vous n'en parlez pas. Mais pourtant, elles étaient prédites. Prédites depuis 1916. Ça veut dire que vous ne pensiez pas qu'on les découvrirait dans... Oui, peut-être. Oui, non. Honnêtement. C'est exactement ça. Non, je dois préciser que Thibaut d'Amour avait, d'une certaine manière, été à la source de ce qu'on aurait pu appeler la découverte des ondes gravitationnelles à partir du pulsar binaire. Elle était indirecte, c'était une découverte indirecte. Il avait fait les calculs montrant la perte de vitesse de rotation. Exactement. À cause des émissions. Je pense qu'il faut le saluer pour son mérite. Maintenant, pour revenir aux grandes découvertes du siècle dernier, 1998, je situerais bien évidemment l'accélération de l'expansion de l'univers sous le coup de boutoir de l'énergie noire. Puisqu'il n'y a pas que de la matière dans l'univers. Ni noire d'ailleurs, enfin brillante ou noire, il y a aussi une forme d'énergie. De l'expansion. Il y a une antigravitation. Il y a une gravitation répulsive, cela signifie qu'il y a une force de la chute, puisque nous la connaissons sans arrêt, nous tombons, mais il y a une force de l'envol, c'est-à-dire une gravité répulsive, ce qui est extraordinaire. Enfin, je veux dire, qui ouvre des perspectives extraordinaires dans la mesure où l'expansion de l'univers était sans explication, mais si on pose a priori l'existence donc de ce qu'on appelle le faux vide ou de l'énergie noire, l'expansion de l'univers trouve une explication. Mais si on juge les recherches un peu sur leur côté, entre guillemets, sportif, c'est-à-dire performance, la performance de découvrir des ondes gravitationnelles de par LIGO est d'un autre ordre de grandeur que celui de l'expansion de... C'est vrai que c'est formidable d'un point de vue. Mais enfin, le mérite en revient à ceux qui ont construit le télescope spatial parce que... On a décidé, avant de le lancer, qu'on allait donner 4 ou 5 heures d'affilée aux gens qui allaient regarder. Vous voulez dire que d'un point de vue technologique, c'est un plus gros exploit de découvrir les ondes gravitationnelles? Oui, ça, bien sûr. C'est mais les implications théoriques sont plus grandes pour l'expansion de l'univers. C'est exact. Oui, puisque les ondes gravitationnelles étaient déjà prédites par la théorie. Bien sûr, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, non, mais c'est simplement pour les distinguer. Mais c'est très juste. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre les découvertes fondamentales et les découvertes techniques. Par exemple, quand on dit l'astronomie est en révolution, pas vraiment, ou l'astrophysique. Parce que les théories dont on se sert n'ont pas évolué. Je veux dire, la relativité générale reste la théorie reine de l'univers, et elle date de 1916. Et Einstein lui-même avait prédit l'existence d'une constante cosmologique qui est identifiable à l'énergie noire. Par contre, les grandes découvertes sont techniques. Donc les révolutions sont plutôt technologiques que fondamentales. Mais comment est-ce que vous interprétez le fait que lorsqu'Einstein a écrit les équations de la relativité générale en 1915, il y avait très peu de données sur l'univers par rapport à aujourd'hui? Certes. On ne savait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. Non. On ne savait pas d'où viennent les étoiles brillent, on ne connaissait pas les forces nucléaires. On ne connaissait en guise d'objets célestes que les étoiles, objets mystérieux, les planètes, les comètes. Enfin. C'est à peu près tout. Oui. Et aujourd'hui, on a beaucoup de données qui viennent des télescopes, des satellites, et ces données qui sont, pour une théorie, toujours des provocations, aucune d'entre elles n'a remis en cause les équations d'Einstein. Non, est-ce que ça veut dire qu'elles sont vraies? Le mot vrai s'applique, c'est difficile de dire. Non, elles ne sont pas vraies au niveau quantique. Elles sont vraies jusqu'à 10-33 secondes. Jusqu'à 10-43 secondes, ce qu'on appelle le temps de Planck. Ça veut dire que dans un registre de temps inférieur à 10-43 secondes, elles ne peuvent pas être vraies, parce qu'elles conduisent à une aberration, à ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un infini, et dès qu'un infini paraît... Ou alors on peut dire qu'elles n'ont pas toujours été vraies. Oui, on peut dire que, au commencement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. C'est vous qui l'avez dit. Le temps zéro est un instant... Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Du vide et de la création ». Oui, mais justement, mes créations avec un petit C dans le sens de la dernière mode parisienne, pas dans le sens théologique. Parce que zéro est trop précis pour être quantique. Le temps zéro est trop précis. Mais puisqu'on parle de recherche, il faut vraiment distinguer les recherches fondamentales de genre Einstein ou les gens qui ont, dans les années 54, qui ont imaginé le boson de Higgs, et puis ce déferlement technologique considérable. Je prends un exemple. Aujourd'hui, les ordinateurs sont capables de corriger la sphéricité des télescopes. Bon, c'est pas en soi une découverte fondamentale, mais c'est quelque chose de prodigieux. De même, en ce moment, les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, il n'y a pas des grands concepts qui sortent, mais c'est c'est l'utilisation des propriétés fondamentales du silicium qui permettent de construire des machines qui sont capables d'avoir une mémoire considérable, de faire des opérations à vitesse extrêmement élevée. Et je crois qu'il est bon de dire, et je pense que ça fera plaisir à Michel Cassé, de distinguer ces deux recherches. C'est-à-dire la plupart du temps, faut bien le dire, nous sommes des modélistes, on bricole des petites affaires. Des petits sorciers. Mais c'est vrai que c'est ça qui est les géants. Il y a Einstein, Newton ou quelques autres. C'est eux, effectivement, lorsqu'on change de paradigme, c'est le nirvana, si l'on peut dire. Mais justement, l'efficacité de la relativité générale est tellement forte qu'on peut se demander si c'est seulement un paradigme. C'est-à-dire que on ne peut comprendre la précision des résultats qu'on obtient grâce à elle. Je vais vous dire le fond de ma pensée. On dit aujourd'hui, dans le modèle standard, il y a 27% de matière noire, 70% d'énergie noire. Je donne mon point de vue, c'est un point de vue personnel. C'est peut-être vrai, mais ça n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que on est un peu dans la même position qu'au 19e siècle. On savait pas expliquer le corps noir, vous savez, le rayonnement, les propriétés du rayonnement électromagnétique. C'est pas plaisant du tout. D'appeler sombre, noir, des choses inconnues. Mais il y a 30 ans, dans votre livre, Michel Cassé, Jean Audouze, écrit avec Jean-Claude Carrière, vous parliez du contenu de l'univers, et vous disiez il y a à peu près 30% de matière qu'on connaît, et puis une autre matière qui est de la matière sombre, disiez-vous, qui est peut-être la même matière que celle qu'on connaît, mais dans des états qui font qu'elle n'est pas lumineuse. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, s'est passé en 30 ans des choses qui, justement, permettent de dire que l'invisible a fait des progrès, puisque la quantité de matière qu'on connaît dans l'univers est plus petite qu'il y a 30 ans. Autrement dit, il y a des découvertes qui augmentent notre ignorance. Absolument. On est passé de 30% à 4%. Oui, c'est vrai. Une régression, finalement. Voilà. On en connaît moins qu'il y a 30 ans. Oui, mais on sait. D'une certaine manière. Mais on sait. Là-dessus, sur ce sujet. On sait. Effectivement, qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ce qui est exactement savoir. Ce qui est savoir, oui. Mais est-ce que vous avez relu le livre, il y a 30 ans, avant de commencer à écrire le nouveau, qui s'appelle « Du nouveau dans la Bible » Très honnêtement, la réponse est non, on s'est mis... Heureusement, je l'ai lu, alors. Oui. Merci, cher Étienne, merci infiniment. Vous êtes notre seul lecteur. Vous ne parliez pas d'Internet. Quasiment, c'était balbutiant. Donc, à l'époque, c'était la supernova de 1987 qui nous avait fascinés. Oui. Parce que, c'était un événement considérable, la supernova visible à l'œil nu qu'on attendait. Vous pouvez rappeler depuis l'événement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En 1987, est apparue dans le grand nuage de Magellan une étoile de plus, mais en fait, c'était pas une étoile de plus, c'était une étoile de moins. C'est-à-dire, ce qu'on appelle une supernova, qui est un grand éclair qui dure un mois, qui marque la fin d'une étoile massive. Et cet événement n'avait jamais été observé à l'œil nu, nous précisons, depuis 1604. Donc, en 1572, Tycho Brahe avait été honoré de la présence d'une supernova. En 1604, son élève Kepler de la même manière, ce qui avait créé un événement incommensurable dans la mesure où, d'un simple coup d'œil, les sphères d'Aristote, les sphères transparentes, avaient été complètement pulvérisées, c'est le cas de le dire, puisque le ciel était considéré comme incorruptible et que cette supernova se situait dans la sphère supralunaire, c'est-à-dire dans le ciel réputé éternel et incréé. Donc on peut considérer que les deux supernovas de la Renaissance étaient l'annonce de la modernité. Et donc il a fallu attendre 1987 pour que la supernova des temps modernes se présente, mais entre-temps le télescope avait été inventé en 1610, ainsi que des télescopes sensibles au rayonnement X, gamma, infrarouge, etc. Et donc cette supernova a été observée dans tous les domaines de longueur d'onde, et miracle, elle corroborait les calculs effectués, ce qui fait que l'astrophysique nucléaire a pris un statut, disons, de vérité qu'elle n'avait pas. Donc c'est un événement considérable. C'est vrai que c'était un événement considérable et sur lequel on s'est polarisé. Alors, vous avez tout à l'heure parlé, effectivement, Internet, le téléphone mobile, tout ça, c'est nouveau, je veux dire. C'est produit entre 1987-8, la sortie du premier livre, et maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que... Oui, il y a du nouveau. Pas seulement la recherche a été modifiée, mais même notre société. Il faut quand même dire la société aussi. Je veux dire, lorsqu'on sort dans la rue et qu'on voit des gens qui parlent, on se tout seul. Enfin, je veux dire, je parle seul. La place qui a été prise par les réseaux sociaux, le fait que la presse écrite a du mal à subsister, etc. Ça, ce sont des phénomènes ou des occurrences qui sont très, très importantes. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez presque autant des modifications dans la société que des découvertes en physique. Tout à fait, parce que ça nous a frappé. Est-ce qu'elles ont changé de façon radicale la façon de faire de la recherche? La réponse est oui. Il y a un de nos collègues, Laurent Vigroux, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Astronome et qui démontre vraiment que les astronomes, jusque dans les années 70, travaillaient d'une certaine façon. Et maintenant, je prends un exemple. Nous, on a travaillé à deux, à trois. Aujourd'hui, par exemple, prenez la découverte des ondes gravitationnelles, l'article qui... Il y a 1000 signatures. Le boson de Higgs, 1000 signatures. Plusieurs milliers. C'est ça. Vous rentrez à l'Institut d'astrophysique, que j'ai fréquenté pendant 50 ans dans tous les états. Et même dirigé. Voilà, dirigé, oui. Mais depuis étudiant jusqu'à directeur. Aujourd'hui, on rentre dans une espèce de clinique, et puis on a des gens qui sont devant leur écran, des zombies, qui se parlent plus entre eux. Enfin, je veux dire, non, il y avait un côté un peu. Lorsque vous parlez, on parle de la joie de la recherche. Maintenant, c'est devenu une industrie, je veux dire. Est devenu beaucoup plus un effort collectif plutôt qu'un effort individuel. Donc, effectivement, la pratique de la recherche telle que je l'aperçois a profondément changé. Moi, je dirais que j'ai été longtemps considéré, que je me considérais moi-même comme un artiste subventionné par l'État. Ce n'est plus le cas. Donc les chercheurs actuellement sont au boulot, vraiment. Bon, bah, écoutez, un artiste qui n'était, je crois, pas subventionné par l'État, c'est Guy Béard. C'est une chanson choisie par Jean Audouze. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours, pas de vin. Rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Jean XII, la vérité par Guy Béard. Pourquoi un tel choix? Est-ce que vous l'avez connu d'abord, Guy Béard? Oui, on l'a bien connu. Et il nous a fait honoré de son amitié. On allait chez lui. J'ai rencontré Kasparov chez Guy Béard. Guy Béard était amoureux aussi du jeu d'échecs. Enfin, il perdait, hein, je vous rassure. Mais enfin, pourquoi cette chanson? C'est parce que, pour moi, le travail de chercheur, c'est découvrir la vérité. Et on s'aperçoit que, de fait, la recherche de la vérité, c'est un métier dangereux. Je vais prendre il y a un très beau livre que je vous recommande. C'est Marc Duguin qui a écrit « Qui a tué Robert Kennedy ?» On sait maintenant, le président Kennedy a été assassiné par des forces, c'est pas la mafia, mais des gens. Bon, le Oswald était un leurre et tout ça. Et aujourd'hui encore, on ne peut pas consulter les archives. Ce que je veux simplement dire, bon, on va prendre un exemple plus près de nous, hein, la recherche, je vais pas faire de politique, mais il y a eu des moments où la vérité a été bafouée, mais de façon, même presque obscène devant tout le monde. Pour moi, la recherche de la vérité, un, c'est dangereux, et deux, c'est tellement nécessaire. Pourquoi on fait de la recherche? Évidemment, c'est d'une part pour une joie intellectuelle, mais c'est aussi peut-être pour essayer de donner à la vérité sa lettre de noblesse. Et pourtant, dans le livre, Jean XII, vous dites, page 31, un chercheur qui a trouvé n'est plus un chercheur. Oui, attendez, lorsqu'on a énoncé une vérité, il faut aller en chercher d'autres, je veux dire, Donc on pourrait dire un chercheur qui a trouvé est encore un chercheur. Bien sûr. Il y a encore d'autres choses bien à trouver. Bien sûr, voilà, tout à fait, oui. Vous avez raison. Notre livret, il y a des petites coquilles. Non, moi je pense que c'est complètement cohérent. Oui. Parce que vous êtes quantique. Voilà. C'est exactement. Parce que vous m'enlevez le pain de la bouche. Donc, vérité, oui, mais vérité toute relative. D'ailleurs, c'est l'anagramme. C'est l'anagramme. La vérité relative. Oui, et relative, oui. Ben oui. Oh, ben, j'avais pas pensé à ça. Vous m'ouvrez des horizons. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Les exoplanètes, est-ce que ça vous a marqué? La première, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la détection de la première exoplanète suivie par d'innombrables autres? La baisse, c'était une énorme découverte. Ah non. D'abord, Michel Cassé n'est pas d'accord, mais Jean Douze va d'abord parler. Oui, voilà. Je dois tenir l'émission. Voilà. Ben, peut-être que c'est dû au fait que ben, Michel Mayor, c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'étais ami, et de dire que, ben oui, il y a un côté subjectif mais dans oui, la recherche. Hein, et donc, je te reconnais bien là, sensible. Ben oui, je suis un être sensible. Et donc, mais d'un point de vue scientifique, j'ai quand même une découverte fabuleuse. Ben oui, c'est... Pourquoi? D'où vient ce bof, Michel Cassé? Oui. Mais nous ne sommes pas au centre du monde. Non, c'est-à-dire physique. Alors, c'est là aussi où, lorsque vous avez fait la distinction, il n'y a rien de nouveau parce qu'on l'avait prédit. Je veux dire qu'il était légitime qu'il y ait des exoplanètes partout. C'est l'inverse qui aurait été absolument bouleversant. Mais... Non, ce qui est quand même la prouesse. Non. Ce qui est là. Mais. Ben ça, c'est la jalousie qui fait. Mais non, c'est parce que... mais non, je suis copernicien, tout simplement. Donc vous saviez qu'elles existaient, mais encore évidemment. Faut-il pouvoir les caractériser, les observer. Voilà, non, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Mais oui. Vous parliez de la découverte. C'est pas une grande surprise, quand même. C'est quand même. C'est... Non, mais franchement, ben, dites-moi. Moi, je dis qu'elle n'était pas indiquée dans votre livre d'il y a 30 ans. Oui, voilà. Donc vous ne l'envisagiez pas. Parce que c'est trivial. Enfin, non, je veux dire, si la physique est la physique, si la physique est universelle, si la chimie est universelle, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'autres planètes, puisqu'il y a d'autres étoiles. Mais attends, on peut distinguer deux choses. L'existence d'exoplanètes n'est pas quelque chose de mystérieux. En revanche, non, pas surprenant. Surprenant. En revanche, d'avoir mis au point une technique qui permettait de voir des objets invisibles. Oui, mais c'est une découverte qui relève de la technique et pas du fondamental. Encore une fois, tu avais raison, vous aviez raison, monsieur le directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris, de bien distinguer entre découverte fondamentale et découverte technologique. Mais ceci étant... En ce qui concerne la partie fondamentale, il est clair, si nous sommes conformes aux principes cosmologiques, tout est partout identique, je veux dire, ce qui est ici est ailleurs. Mais ce qui n'est pas ici, mais c'est pas parce qu'une découverte est attendue qu'elle est moins importante. Non, mais par une découverte attendue, est-ce que c'est vraiment une découverte? Alors, on a commencé à partir de cette première détection. On en a maintenant découvert des milliers, et parmi ces milliers, on a découvert des planètes qui ont la taille de la Terre et sont rocheuses. Voilà. Et le pas d'après, c'est effectivement de voir si éventuellement il peut y avoir de la vie sur ces objets. Et d'autre part, lié à cela, il y a eu des gens qui ont été. Il y a eu la sonde Rosetta et on a été gratter une comète. Et puis on en verra dans 10 ans des satellites sur Europe et Ganymède, puis on ira voir, ou sur Mars, puis on ira voir s'il y a des molécules biologiques. Ça, c'est quand même, c'est de mon point de vue, c'est un sujet de recherche important. Michel Cassé, vous avez publié en même temps que le livre dont on parle là. Un autre livre qui s'appelle « Xénobiologie vers d'autres vies » avec Marie-Christine Morel, où justement vous posez la question de l'existence de la vie ailleurs que sur Terre. Exactement. Très important pour vous que les exoplanètes aient été détectées. Je voulais essayer de savoir si la vie est partout ou si au contraire c'est un phénomène local, qui a eu des processus physico-chimiques qui ont fait que la vie est née et s'est propagée. Pour moi, on déborde pas. Mais si, la question était de savoir si la découverte des exoplanètes était vraiment une découverte fondamentale. Alors, sur quel plan? Est-elle fondamentale ou est-elle, conjoncturelle et technique? C'est un jalon important. C'est un jalon important. Oui. Donc, on parle des exoplanètes. Je ne nie pas l'importance de leur découverte, et je considère évidemment, comme beaucoup d'autres, que c'est une voie très importante dans la recherche de la vie extraterrestre. Donc il y a deux formes de recherche, donc la recherche dans le système solaire avec l'exploration, ce qu'on appelle l'exploration spatiale, on peut y aller, on peut envoyer des robots, et puis il y a une télédétection, c'est-à-dire une détection à travers la lumière, par exemple de biosignatures. Biosignature, ça voudrait dire des signes de vie. Je ne nie pas que la découverte d'une vie extraterrestre ne soit pas bouleversante. Maintenant, la question est de savoir si cette vie est microbienne ou intelligente. Donc, il y a énormément de registres séparés qu'il faut absolument clarifier. Bon, il est clair que si on considère globalement l'existence des exoplanètes comme... une avancée dans la connaissance, je suis bien d'accord. Mais qu'il faut fouiller cela précisément, etc. Maintenant, d'un point de vue strictement théorique, le fait que d'autres planètes existent avait été prévu par bien d'autres personnes, notamment Giordano Bruno, la multiplicité des mondes, etc. Je considère que philosophiquement, c'est une chose entendue. Mais je rappelle pour l'histoire que Fred Hoyle, qui est le père de l'univers stationnaire, qui a effectivement été mis au banc de l'astrophysique pour ça, et bien avec... Victime du Big Bang. Oui, victime du Big Bang, voilà. Il avait pourtant inventé, pour ce qui est l'expression. C'est ça. Oui, et c'est... alors, dans les dernières années de son activité, il a travaillé avec quelqu'un qui s'appelait Vikrama Singh, pour dire que la vie est partout, la vie est dans les météorites, et il était le pape de la panspermie. Et moi, je me souviens, c'est peut-être le privilège de mon âge, que il était, on le considérait vilipendé, parce qu'on considérait que c'était encore une de ces idées crackpot, hein, c'est-à-dire crâne fêlé, devenant de Hoyle. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on cherche des molécules biologiques dans le noyau d'une comète. On cherche à partir de la première détection des exoplanètes, je reviens, on a cherché des planètes de taille de plus en plus petite. Oui, ça reste évident. Un problème scientifique fondamental. Mais de toute évidence. Revenons à l'interrogation fondamentale d'Étienne Klein. Est-ce que c'est une découverte fondamentale? Je dis, elle a un intérêt absolument gigantesque dans la mesure où, effectivement, on pourra, le cas échéant, chercher des biosignatures dans l'atmosphère des exoplanètes. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il faudra des instruments extrêmement sophistiqués, du genre ELT, c'est-à-dire des détecteurs géants. Et encore, ces biosignatures qui sont l'eau, le méthane, etc., devront être corroborées parce qu'il ne faudra pas annoncer l'existence de la vie de manière un peu légère. Donc il y a des contre-signatures, il y a des fausses signatures et des vraies. Et ce domaine est en pleine expansion. C'est la prochaine étape de la recherche de la vie. Je considère que c'est tellement important que nous avons consacré un livre avec Marie-Christine Morel sur le sujet. Mais je dis que l'existence de planètes en dehors du système solaire n'avait rien de surprenant. Mais alors, si on juge de l'importance d'une découverte à l'aune du fait qu'elle est pas prévue, quelle est, dans les 30 ans qui viennent de se passer, la découverte qui vous a le plus surpris par le fait que, justement, elle n'était pas prévue? Michel Cassé, alors, peut-être? La chose la plus surprenante du monde, c'est que la mécanique quantique ne soit pas compréhensible. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, pour revenir au nouveau... le 9 remplace le 9. Donc il n'y a pas de nouveau, puisque le 9 est toujours là. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut nous surprendre en tant que physicien ou astrophysicien? Je dirais que c'est une conjecture. Les univers multiples. Cela est surprenant. Ce qu'on appelle le multivers, comment est-ce qu'il est apparu? Est-ce qu'il est lié à la théorie des supercordes ou... Il est lié à la mécanique quantique. Il y en a plusieurs sortes. Oui, il y en a quatre mais sortes. Ce qui est peut-être le plus surprenant, si je reprends ça, c'est que maintenant, la science... Oui, avant, il y avait science et pas science. Oui, c'est ça. Puis maintenant, il y a une sorte de de flou quantique. Exactement. Entre le scientifique et le non-scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des conjectures qui sont des métaphysiques mathématiques. Exactement. Et donc... C'est un métacosmologie qui devient surprenant. Oui. Qu'est-ce qu'il a engendré? Qu'est-ce qui fait qu'on parle de multivers aujourd'hui avec une forme d'autorité parfois? Je crois que c'est l'application de la mécanique quantique, c'est ça? Mécanique quantique, c'est plutôt des univers parallèles. Ce qui n'est pas la même chose que le multivers. Non, c'est vrai. Il faut faire la distinction. Et Max Tegmark, qui a écrit un livre très important sur le sujet, désigne quatre possibilités. Les univers de type 1 sont classiques. Imaginons que l'univers soit infini. D'ailleurs, c'est la théorie actuelle. Donc, toutes les données astrophysiques indiquent que l'univers est infini. Et notre zone accessible, l'univers observable, mesure 46 milliards d'années-lumière. Donc, au-delà sont d'autres univers qui ont les mêmes lois de la physique, enfin, qui disposent des mêmes lois de la physique, mais pas des mêmes conditions initiales. Semble-t-il. Condition initiale, ça veut dire que la matière peut être, organisée un peu différemment, mais c'est la même matière. Dans ces conditions, il y a nécessairement un Étienne Klein ailleurs. Donc, où est Étienne Klein? Je ne suis pas jaloux. Mais il y a aussi... c'est la première forme. Et puis, il y a d'autres formes, c'est-à-dire des univers dans lesquels les lois de la physique sont différentes. Ça, c'est deuxième forme. L'inflation cosmologique. Alors, donc, l'énergie du vide ou l'énergie noire ou la constante cosmologique est un explosif. Ce qu'on a découvert, c'est qu'elle suscitait une antigravitation, donc quelque chose qui est produit une expansion... Qui fait que l'espace se repousse lui-même. Voilà. Une sorte d'inflation qui est une super expansion. Et donc, dans ces conditions, l'univers que nous connaissons serait une bulle de champagne dans un champagne généralisé. Et là, les lois dans les différentes bulles seraient différentes. Ensuite, il y a ce que vous indiquiez, les univers parallèles de Everett de la mécanique quantique, dans le même espace-temps. Donc, ils sont très proches de nous. Ils ne sont pas nécessairement ailleurs. C'est dans un espace abstrait. Donc, tout se joue dans un espace abstrait que vous connaissez bien, qui s'appelle l'espace de Hilbert, un espace vectoriel. Donc, c'est encore une autre forme d'univers. Et la quatrième forme d'univers qu'invente ou que suggère Tegmark, c'est un univers où toutes les possibilités mathématiques seraient réalisées. Un univers platonicien parfait. Parfait. On va passer un petit morceau de musique pour se détendre. Choisi par Michel Cassé. Everybody shall be exalted, shall be exalted, shall be exalted, shall be exalted. Every mountain and hill may go, the crooked straight. face is plain, and that our face is plain. The crooked straight on the rough places Michel Cassé, le Messie de Handel, ça fait un peu chef-d'œuvre, non ? Un peu démiurgique, mais en fait, c'est un choix pascalien. Quand il est haut, je le rabaisse. Quand il est bas, je le rehausse. C'est le message. C'est votre côté Michel Caché. D'une certaine manière, oui. C'est tout à fait juste. Non, mais c'est bien que Michel Cassé nous élève grâce au Messie de Handel. Rabaisse. Quand vous êtes trop haut, non, je ne suis pas le père de la vérité, loin de là. Simplement, donc l'astrophysique, en ce qui nous concerne, est un privilège. Donc il faut remercier l'État de nous avoir permis de, disons, développer une pensée aussi généreuse. Et nous espérons que la recherche fondamentale soit largement favorisée dans les... pas favorisé, mais disons qu'elle continue à perdurer dans les siècles et les siècles. Mais, bon, c'est un peu la fin du livre. On se permet quelques réflexions sur la société, sur l'éducation. Pour moi, l'éducation, ça devrait être la priorité nationale. Et puis la seconde, c'est effectivement, on a été privilégiés, vous-même aussi, et Michel et moi, d'avoir. Et il faut dire que ce n'est pas l'État, hein. Ce sont les gens qui payent leurs impôts. Faut se rappeler que ce n'est pas du tout les politiques qui nous ont favorisés. Ce sont les citoyens. Et d'espérer, moi j'ai été assez frappé du fait que la classe politique continue à ne pas comprendre l'importance de la recherche tout court. Parce que, bien évidemment, elle ne se contente pas. On l'a dit d'ailleurs, il y a deux recherches. Il y a la recherche fondamentale, qui est très importante, mais il y a aussi la recherche technologique. Et la recherche technologique, on en voit les effets. Je veux dire, les téléphones portables, ils ne sont pas nés comme ça. Ils ne sont pas venus. C'est le fruit de la recherche. Mais avant qu'on parle des questions sociétales que vous commencez d'évoquer, je voudrais qu'on revienne quand même à quelques questions de physique. Oui. Notamment à la question du vide. Ah, ouais. Le vide, c'est quand même un grand sujet. Ouais. Est-ce que dans les 30 ans qui viennent de s'écouler, ce qu'on met derrière ce mot a été modifié ? Oui, sachant que le vide n'est pas vide. Oui, oui. Et non. Bon, l'Irak avait déjà eu l'intuition d'une mer, qu'on appelle mer de l'Irak, justement, qui serait une contrepartie invisible de notre monde. Donc, en fait... Les Britanniques, eux, ils n'ont pas de problème avec ce que vous venez de dire, parce qu'ils ont deux mots. Alors, le mot vide, il est ambigu en français. Ouais, ouais. Il signifie à la fois rien et puis un état physique inconnu. Quand et on donc, dit que le vide n'est pas vide, on donne l'impression de dire une bêtise. Oui, mais non, mais en fait, alors qu'en anglais... Oui, il y a void et vacuum. C'est très juste. Mais en fait, donc le vide, ça n'est pas une chose, c'est un état. C'est l'état d'énergie minimale d'un système, et donc il y a autant de vide que de système dans ces conditions. Donc il n'y a pas un vide, il y a des vides. Et la somme de tous les vides partiels, effectivement, pourrait être appelé le vide universel, mais ça n'est pas rien. Donc le vide n'est pas le néant. Mais si je peux faire intervenir Jean-Claude Carrière, parce que Jean-Claude Carrière est intervenu dans le livre, il a dit quelque chose d'important, selon moi, à savoir l'importance des mots. Et bon, il aime, c'est une, une anecdote qui reproduit très fréquemment, où il dit, voilà, on demande à Confucius quelle est la chose la plus... Il a le pouvoir, quelle est la chose la plus importante qu'il ferait. Il dirait, je rassemblerais une assemblée de sages et je leur demanderais de se mettre d'accord sur le sens des mots. Et si ça doit prendre du temps, eh bien que cela prenne du temps. C'est vrai que l'utilisation des mots, et pour le vide, c'est vraiment important, je crois. Le mot n'a pas changé depuis des millénaires, mais ce qu'on met derrière... Mais ce qu'on met derrière évoluer. Change. Et oui, c'est vrai sûr. Que il faut, c'est le langage, la langue, le mot, effectivement, mais joue, même dans la recherche, je veux dire, c'est un rôle très important. Parce que si on n'est pas d'accord sur ce qu'on met derrière un mot, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas avancer. Sauf que le vide n'a pas une définition comme ça, hors des théories physiques. Ce sont les théories qui disent quel est le statut du vide en leur sein. Exactement. Et donc, il y a autant de vide qu'il y a de théories physiques. Oui, c'est vrai. Celui de la mécanique quantique n'est pas celui de la relativité générale. Et puis, pour les atomistes, Démocrite disait, donnez-moi l'atome et le vide et tout le reste est commentaire. Donc, ça n'est pas le honnête. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ce qu'il mettait justement derrière ce mot alors qu'il n'avait pas l'idée d'un espace newtonien? Je ne suis pas sûr. Il faudrait demander à Heinz Wissmann exactement. C'est un point essentiel en fait. Donc, ce qu'on appelle atome, est-ce que l'atome, atomos, est divisible ou pas? On sait très bien que les atomes se divisent en électrons et en protons. Donc, quel est le véritable atome? Actuellement, l'atome, ce serait plutôt la supercorde, et encore. Est-ce qu'elle existe? L'atome de Démocrite n'existe pas. Non. Mais le vide de Démocrite... C'est-à-dire que l'atome de la physique contredit l'idée philosophique d'atome. D'une certaine manière, maintenant, la notion de vide pourrait être de la même manière interrogée. Donc, le vide n'est pas le néant, de toute évidence. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est millénaire, puisqu'on est en train de discuter de la même façon qu'Aristote et que Platon. Hein, Platon mettait les concepts au premier rang, et puis l'apparence ou ce que l'on voit, alors qu'Aristote partait, lui, au contraire, de ce qu'il voyait et c'est pour ça qu'il s'est beaucoup trompé d'ailleurs et c'est vrai que la discussion du vide c'est une discussion aristotélicienne versus platonicienne, je veux dire ce vide est l'agent créateur, ça n'est pas rien. Dans la cosmologie, je dirais que c'est presque l'équivalent d'un démiurge, puisque finalement il engendre l'espace. Mais il engendre aussi la matière. Son énergie se transforme en lumière et en matière. Donc il dit « espace donne-toi et l'espace se donne ». En même temps, sa décomposition ou sa disparition se traduit par la lumière. Donc la lumière est par rapport au vide ce que la fille est par rapport au père, dans la généalogie. C'est très impressionnant. Mais qui a créé le vide? Est-ce que le vide est incréé? C'est une grave question. Tu prêtes au vide les métamorphoses de ce haut vide devraient être chantées. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, il y a quand même quelque chose qui est apparu pendant ces 30 dernières années qui a dû vous intéresser, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que elle vous fait peur? Ouais, est-ce que les robots dont vous parlez dans le livre vous font peur? Il y a quand même un chapitre qui s'intitule « Ombre sur l'avenir du sexe ». Ah, le sexe vous fait peur. C'est Jean Rodouze qui en parle? Ah oui, c'est Jean-Claude Carrière. Ah oui, c'est Jean-Claude Carrière. C'est quand même un chapitre, moi je m'attendais pas à trouver ce chapitre dans votre livre, sachant que la question n'était pas du tout évoquée il y a 30 ans dans le précédent. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous éprouviez le besoin de réfléchir aux ombres sur l'avenir du sexe? C'est personnel. Oui, c'est ça. Et c'est dans le livre. Oui. Mais je crois que, comme vous avez pu vous en rendre compte, on ne s'est pas contenté de dire des choses, profondes ou parce que disons c'est anecdotique. Il faut reconnaître que le sexe est anecdotique. Dans le livre en tout cas, il est peut-être pas anecdotique à tout court, mais il est anecdotique dans le livre. La question que se pose Jean-Claude, moi qui c'est est-ce que les robots vont pas prendre le pouvoir ? Et alors ça c'est une question à mon avis. Est-ce que, il faut regarder quelle est la différence entre les cerveaux, je veux dire, de la nature et les cerveaux, entre guillemets, artificiels. Ils sont fondés sur deux chimies totalement différentes. Les uns, c'est le carbone, et les autres, c'est le silicium. Et de mon point de vue, arriver à donner à la chimie du silicium les mêmes caractéristiques que la chimie du carbone, c'est quand même, pour moi, ça reste de l'utopie ou du mystère. Donc le cerveau n'est pas un ordinateur. Non, pour moi c'est pas un ordinateur. Ou c'est une. Oui. Certes. Non, il fait des. Comment dire? L'intelligence artificielle fait des choses beaucoup mieux que nous. Oui. Tout ce qui est les grands nombres, Mais joue mieux aux échecs. Qui sont des choses spécialisées. Oui, voilà. Ils ne savent faire qu'une seule chose. Voilà. Ils travaillent en série, alors que le cerveau travaille en parallèle. Donc il y a une différence. Maintenant, Jean a bien raison de différencier le silicium et le carbone, mais il s'avère qu'on pourrait faire des ordinateurs à base d'ADN modifié, ou même de fibres de carbone. Alors dans ces conditions, il faudrait se reposer la question. Ah oui, bien sûr. Jean 12. Là, je sors d'une réunion où on a fait remarquer ce que la société Amazon développe. Lorsque vous choisissez des livres, eh bien, il y a un algorithme qui fait que on vous propose d'autres livres. Qui ressemblent à. Qui ressemblent et qui se. Et alors, il paraît que les algorithmes qui font ça, enfin, oui, ce sont des algorithmes comportementaux, c'est-à-dire qu'ils regardent la façon dont vous consultez le site, si vous appuyez, c'est-à-dire que, et je pense que c'est de la même façon que les ordinateurs qui jouent au poker. Au poker. C'est-à-dire qu'ils sont capables. Ils apprennent de vous-même. Et oui. De vous-même, oui, c'est ça. Il y a une après. C'est comportement, enfin, c'est une, comment dire, ils imitent ou ils ont la connaissance de notre comportement et donc de nos goûts. Ils miment et donc de ce point de vue-là, ils anticipent vos désirs. Oui, et donc cette espèce d'algorithme utilisé pour nous dire, eh bien, vous avez acheté par exemple le dernier livre d'Étienne Klein, donc il faut lire absolument le dernier prochain livre de Michel Cassé. Voilà, par exemple. Non, mais ça ça demande une. Non, mais l'intelligence artificielle, oui, sophistiquée. Le point important, c'est que, après avoir connu un certain Pierre-Yves Houdéier, qui a une connaissance de Jean et de moi-même, ce qui est frappant, c'est qu'on puisse maintenant parler de curiosité artificielle. Donc les ordinateurs sont dotés de curiosité. Je trouve ça curieux, personnellement. Maintenant, pour revenir à votre question, quelle est la différence entre un ordinateur et un cerveau ? Difficile, parce que calculer, c'est penser. Alors, oui, certains disent que les ordinateurs pensent moins bien que nous et calculent mieux que nous. Donc, jusqu'à présent, on a toutes les raisons de penser. Je suis prudent. Que les ordinateurs n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Je suis sûr que... Oui. Est-ce qu'ils sont heureux d'avoir gagné ou malheureux d'avoir perdu ? Dans la mesure où ils développent une curiosité artificielle, ils sont dotés d'un petit système de rétribution. Ça veut dire qu'ils sont capables de reconnaître ce qui est pour eux bon et ce qui est mauvais. Par exemple, on peut programmer un certain comportement, si tu te cognes, c'est mauvais. Oui, mais Et si tu ne te cognes pas, on te met un peu plus d'électricité. Non, mais est-ce que ça veut dire. Est-ce que la machine se rend compte de ce qu'elle fait ou simplement elle le fait de façon, je dirais... Tu as raison. Mais rapide. Est-ce que nous-mêmes, nous nous rendons compte? Parce que la conscience reste absolument mystérieuse. Il n'y a pas de théorie, en ce qui me concerne, enfin, ce que je sache, de théorie scientifique de la conscience. Pas encore. Pas encore, non, ça c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui y travaillent, hein, Sébastien Devenne et d'autres. Stanislas, oui, excusez-moi. Oui, que nous avons reçu, oui. Lionel Nakache aussi. Voilà, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Étienne Klein, sur la conscience? Ce qu'explique Lionel Nakache, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Oui. Il y a l'éveil, il y a la conscience de soi, il y a la conscience de l'autre, et que ce mot est devenu, en effet, un mot un peu fourre-tout. Mais voilà, et c'est il faudrait appliquer à ce mot la recommandation de Jean Oudouze, consistant à réunir des sages afin de... prendre conscience de ce que nous appelons la conscience. Oui, oui. Voilà un bon projet. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Jean Oudouze, Michel Cassé, nous approchons de la fin de cette émission. Je voulais vous lire les deux premières phrases d'un texte de Victor Hugo qui s'intitule « L'océan d'en haut » qui dit ceci « L'univers c'est un livre et des lieux qui le lisent. Ceux qui sont dans la nuit ont raison quand ils disent « Rien n'existe car c'est dans un rêve qu'ils sont ». Ça vous inspire Michel Cassé ? Nous sommes de grands rêveurs. Oui, effectivement. Mais il ne faudrait pas considérer simplement que la science soit exclusivement faite pour rêver. Une marguerite pourrait être le réceptacle du rêve. Elle est aussi faite pour penser. Ça sera aussi, le mot fleuri de la fin. Elle est aussi pour faire. Parce que moi, je voudrais qu'on redonne les lettres de noblesse à cette recherche qui ne se pose pas forcément des questions métaphysiques, mais je reviens par exemple à la découverte des premières découvertes des exoplanètes. Bon, ben c'est de la recherche qui est aussi noble que oui, bien sûr. Voilà. Et donc donc c'était l'avant-dernier mot de la fin. Là, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Merci absolument. À vous deux. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Manuel Couturier et à la réalisation François Connac. Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.